Amis du rock, bonjour, ravi de vous retrouver en ce lundi 10 juillet pour un nouvel épisode de notre émission Living in the Past. Et oui, cette fois, ça y est, les vacances sont là, sont bien là. Et nous allons à nouveau passer ensemble, je l'espère, un excellent moment à l'écoute ou à la réécoute de tubes qui nous ont bercés tout au long de ces 50 dernières années. Nous sommes donc, je le disais, le lundi 10 juillet, que le temps passe vite, et dire que cela fait déjà plus d'un an que je berce un lundi sur deux vos matinées au son des classiques du rock et de la pop. Et pour la circonstance, je ferai un petit coucou particulier pour les Herzotois qui, eux, font la fête tout le week-end en l'honneur de leur Toubac. Et j'aurai aussi une petite pensée pour un ami auditeur fidèle, Michel, qui a eu quelques ennuis de santé qui, je l'espère, sont occupés de se résoudre. Au programme aujourd'hui, la célébration du 45e anniversaire de l'album Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie, bien sûr. L'affiche de quelques festivals qui auront lieu en août de l'autre côté de la frontière linguistique. Hein, je parle des Locker's Fest, l'Alcatraz Art Rock and Metal Festival de Courtrai et enfin le Festival Park de Middelkerke. Et nous aurons aussi une séquence consacrée aux prénoms stupides que certaines rockstars ont pu donner à leur progéniture. Tradition oblige, on débute cette émission avec la célébration d'événements qui ont pu se dérouler un 10 juillet. À commencer par... attendez, je ne retrouve plus mes notes, voilà qui est fait. À commencer par le 10 juillet 1965, date où les Rolling Stones devenaient numéro 1 pour 4 semaines avec leur succès mondial Satisfaction, qui était d'ailleurs le premier titre qui a permis aux Stones d'être en tête des charts. Quelques années plus tard, en 79, un autre monstre sacré du rock and roll, Chuck Berry, continue sa longue descente aux enfers. Il est condamné à 5 mois de prison ferme pour fraude fiscale, alors qu'en même temps, il nous sortait un avant-dernier album, puisque depuis juin dernier, à titre posthume, il nous a gratifié de son ultime album baptisé Chuck. Le précédent, c'était Rockets, et nous allons en écouter un extrait, If I Were. If I were a pendulum swing and you were the birdie and a cuckoo clock, every time you cuckoo-cooed, I would double tick another tick-tock. I'd double my swing every time you sing, we'd make good time with each other. Oh, but that would be just so much fun, cooing and swinging together. If I were poursuivre les Stones, I Can Get No Satisfaction. C'est un titre qui, malgré son âge, nous donne toujours autant la pêche. The Rolling Stones, en 1965, I Can Get No Satisfaction. Et on fait un petit bond en avant. De 1965, on passe en 2005, année où la radio anglaise Planet Rock demandait à ses auditeurs de voter pour les musiciens qui, selon... composerait un groupe idéal. Et, aux surprises, 3500 personnes ont voté de manière unanime pour Jimmy Page comme meilleur guitariste, John Paul Jones comme bassiste, John Bonham comme batteur et Robert Plant qui arrive en tête des chanteurs. Et je suis certain qu'en réunissant ces quatre-là, on aurait pu faire un groupe qui aurait tenu la route. On l'aurait appelé... resterait à trouver un nom. Trois années plus tard, le 10 juillet 2008, différents objets sont vendus aux enchères chez Christie's à Londres. Le manuscrit de Give Peace a Chance de John Lennon trouve acquéreur pour la modique somme de 421 250 livres. Quant aux lunettes de John, histoire d'y voir plus clair, elles sont parties pour 39 650 livres, ça fait quand même cher la paire, et un ampli Marshall utilisé par Hendrix à 25 000 euros. Et on reste toujours dans les années 60, John Lennon, Plastic Ono Band, Give Peace a Chance. Give peace a chance. Yeah. Come on. Everybody talking about Alors, vous avez trouvé un nom pour le groupe idéal? Ben oui, c'était naturellement Led Zeppelin, bien sûr, Rumble On, toujours en 1969. Ah, y a pas à dire, on ne peut pas faire beaucoup mieux comme groupe de hard rock, Led Zeppelin, Rumble On, un titre qui figurait sur le deuxième album de Led Zeppelin, toujours en 1969, et qui s'appelait tout simplement Led Zeppelin 2. En ce 10 juillet, plusieurs artistes fêtent aussi leur anniversaire. On pense à Martin Kazin, qui est né en 1960 à Perth, en Australie. Il est le claviériste du groupe qui accompagne Nick Cave depuis toujours, à savoir The Betsies. Et c'est aussi l'anniversaire de Greg Kin, qui est né en 1949 aux États-Unis. Il est le chanteur américain d'un groupe baptisé The Greg Kin Band, surtout connu pour son morceau Jeopardy. Allez, ambiance, toujours aussi chaud dehors, mais aussi dans notre studio. Changement total d'ambiance et on retrouve là toute la poésie de Nick Cave, Into My Arms, un titre extrait de Boatman Call, un album de 1997. I don't believe in an interventionist God. I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then and direct you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you, while to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do. I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Où naviguent les ondes libres? RQC 95 FM, le seul compromis. La bonne musique. Et on poursuit en rythme avec Roger Glover, Love Is All. Come on. Nous venons d'écouter successivement Roger Glover avec Love Is All, extrait de l'album de 1974, The Butterfly Boy and the Grasshopper's Feast. Quel nom à rallonge. Et ensuite, la formation Dio, avec un titre de 1983, Rainbow in the Dark. Ces deux titres en l'honneur de Ronnie James Dio, qui était né un 10 juillet 1942 à Portsmouth, dans l'état de New Hampshire. Il a malheureusement disparu, comme vous le savez, le 16 mai 2010, et c'est lui notamment que l'on entend sur ce fameux Love Is All, album de Roger Glover que nous venons d'écouter. Et il a fait partie de groupes célèbres tels que Elf, Rainbow, Black Sabbath, Heaven and Hell, avant de créer sa propre formation Dio. Voici maintenant venu le moment d'évoquer, de célébrer, c'est comme on veut, le 45e anniversaire de la parution de l'album de Monsieur David Bowie. Cet album mythique s'intitule The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Voilà, nous allons à travers quelques titres évoquer l'ambiance et l'histoire de la création de cet album. Living in the Past, l'album du jour. Excusez cette inversion. We'll be right back. C'est donc cette année 2017 que nous fêtons le 45e anniversaire de la sortie de ce chef-d'œuvre de l'époque glam rock, à savoir l'album de David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Après avoir incarné le personnage de Major Tom en 1969 et avoir sorti le superbe Space Oddity, David Bowie, par la suite, a du mal à retrouver le succès. Et ses albums The Man Who Sold the World de 1970 et Hunky Dory de 1971, bien que de grande qualité artistique, ne sont pas arrivés à atteindre le grand public. Voici Star. C'était donc Star, le second titre, que nous venons d'écouter, extrait de l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Donc en 1972, Bowie veut à tout prix renouer avec le succès et il se lance alors dans la réalisation d'un album particulièrement original, créatif et ambitieux, qu'il va baptiser The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. L'objectif de cette nouvelle production est de nous présenter un nouveau personnage issu de l'esprit débordant d'imagination de David Robert Jones. Et Ziggy Stardust se veut être un personnage extraterrestre, un peu destroy, fan de rock and roll, et dont le but est de conquérir la planète rock. Pour assembler ce Frankenstein du rock, Bowie s'inspirera du physique et du caractère de personnages tels que ses amis Iggy Pop, Mark Bolan, Lou Reed, mais aussi de Jane Vincent, de la mannequin Twiggy, de Jimi Hendrix et pour le nom d'un personnage plutôt étrange, issu de la scène psychobilly, le legendary Stardust Cowboy. Just fall and play, but then we move like badges on Vaseline. Will it be the cut up better on a stolen guitar? You're the blessed with the spiders from Mars. Well, come on, come on. You really got a good thing going. Voilà, c'était donc Hang On to Yourself, excusez la prononciation. Et nous poursuivons ainsi notre redécouverte de l'album de Bowie, The Rise and Fall of the Ziggy Stardust de 1972, album dont on fête cette année le 45e anniversaire de la sortie. Bienvenue à 10h passé moins 5, bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent à l'heure actuelle. Et donc David Bowie, en compagnie de ses musiciens et du producteur Ken Scott, se rendent au studio Trident de Londres le 9 juillet 1971 pour y débuter l'enregistrement de cet album. Le guitariste Mick Ronson, le bassiste Trevor Boulder et le batteur Mick Woody Woodmansey forment alors une solide base pour accompagner Bowie sur l'album. Ce dernier veut atteindre ici une forme de perfection, et ce afin de créer un album ultime, mariant mélodie pop efficace à une bonne dose de rock and roll parfaitement maîtrisée. Et le producteur Ken Scott, ancien ingénieur du son des Beatles d'ailleurs, se souviendra. David savait exactement ce qu'il voulait en studio. Mon rôle était de prendre un peu d'avance dans la préparation afin de m'assurer que tout soit prêt pour qu'il arrive exactement à obtenir le son qu'il souhaitait. Mais Bowie n'aimait pas trop traîner en studio. Donc, dès qu'il avait terminé, on ne le voyait plus. Le mixage était uniquement pour moi et c'est là que ma créativité a pu s'exprimer plus largement. Oh. et pour suivre Ziggy Stardust. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang screwed up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, le gigantesque succès de cet album à sa sortie en juin 1972 ne tardera pas à engendrer en Angleterre une véritable Ziggy Mania, un phénomène que l'on peut comparer à la Beatlemania qui avait régné quelques années plus tôt là-bas entre 1962 et 1970. Et cette hystérie totale autour de ce personnage fera que Bowie se trouvera contraint de s'en séparer. Il en profitera d'ailleurs pour virer par la même occasion ses musiciens, les Spiders from Mars, et reviendra par la suite avec d'autres personnages et aussi des sonorités beaucoup plus branchées, soul et funk, cela dès 1974. Mais en attendant, voici Suffragette City. Et voilà, c'était donc Suffragette City. Et l'album se referme sur un titre tout à fait somptueux intitulé Rock and Roll Suicide. C'est avec ce morceau que David Bowie décidera de suicider son personnage de Ziggy Stardust sur scène le 3 juillet 1973 à Hammersmith Odéon. En effet, sans prévenir ses musiciens, David Bowie décidera de terminer l'histoire de son personnage extraterrestre, et ce afin de se protéger. En effet, après l'avoir incarné sur scène, en interview et en studio pendant 2 années, il avait l'impression que ce Ziggy Stardust était en train de le faire sombrer dans la folie. Et en 2003, Bowie reviendra sur ce titre « Rock and Roll Suicides ». Il dira « En substance, j'aime mélanger les styles et en faire quelque chose d'hybride ». M'inspirer de l'ambiance d'un titre d'Edith Piaf des années 50 m'a aidé à développer mon style. Dans Rock and Roll Suicide, il y a un aspect chanson française, c'est intentionnel. Je voulais qu'il y ait ce cachet bien particulier, ce côté mélodramatique. C'était intéressant, en plus, à l'époque, personne d'autre en Angleterre ne faisait cela. En tous les cas, pas de la même façon que moi. Voici ce Rock and Roll Suicide qui clôturera l'évocation de ce superbe album Glam Rock. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Ship breaks a snarling as you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow, don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. Yourself, but you're too unfair. You got your head all tangled up, but a bar can only make you care. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you've been, no matter when or where you've seen, all the knives in the lacerate your brain. I've had my share, I'll help you with the pain. You're not alone. Ah, il est vrai que c'est vraiment wonderful, comme le chante David Bowie, formidable. Et voici pour suivre une autre séquence. Aujourd'hui, nous allons en effet évoquer quelques-uns des prénoms totalement ridicules que des stars du rock en manque d'originalité ont donné à leurs enfants sans se douter du traumatisme qu'ils allaient leur causer. Anecdote personnelle, j'ai bien connu un traiteur nommé Farcy qui avait appelé son fils Thomas Farcy. Comme dans Thomas de Farcy. Je vous jure que l'histoire est totalement authentique. Authentique comme le prénom de la fille de Madonna, prénommée Lourdes, comme la ville natale de Bernadette Soubirou, où la Vierge lui est apparue. Authentique comme le prénom de la fille de Frank Zappa, Moon Unit, unité lunaire. Authentique comme celui de la fille de Sonny and Cher, Chastity. Chastity comme dans Chasteté. Il fallait le faire, non ? But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Sonny and Cher, I got you baby. Les stars du rock, c'est bien connu, c'est une histoire entendue depuis très longtemps, ont souvent commis des excès, notamment au niveau de la consommation de substances illégales et autres psychotropes. Et David Bowie, en pleine période Ziggy Stardust, on vient de l'évoquer largement, cette période, a choisi pour son fils le prénom de Zoe. Oui, vous avez bien entendu, Zoe Bowie, un patronyme dont le gamin a sans doute souffert considérablement à l'adolescence au point d'opter pour un nom carrément banal, Duncan Jones, depuis qu'il est devenu un réalisateur célèbre dans le monde du cinéma. Quant à Donovan, ce troubadour folk psychédélique des années 60, il n'a pas hésité à prénommer ses filles Astrella Céleste et Oriol Nebula. Oui, oui, vous avez bien entendu. On le retrouve ici avec un de ses gros tubes, Hurdy-Gurdy Man. Like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Hurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy sang. Hurdy-gurdy-hurdy-gurdy-hurdy-gurdy-hurdy-gurdy-hurdy-gurdy. Hurdy-Gurdy Man, Donovan en 1968 sur l'album du même nom, The Hurdy-Gurdy Man, à la période de rock psychédélique. Il n'est pas nécessaire d'avoir perdu la moitié de ses neurones en consommant de la drogue pour avoir des idées bizarres quand on est une star du rock ou de la pop et qu'on se rend au bureau de l'état civil pour déclarer ses enfants. Tiens, prenez par exemple les Spice Girls qui ne sont pas vraiment connues pour leurs excès, enfin un peu quand même. Eh bien, Gary Halliwell a prénommé sa fille Bluebell Madonna. Celle de Melanie Brown s'appelle Scarlett Star. Et l'un des enfants du couple Victoria et David Beckham se prénomme Brooklyn. Brooklyn, je vous jure. Et pourquoi pas Roubaix et Moucron tant qu'on y est. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want. music. If you want my future, forget my past. If you want to get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna sing as it. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel. Say you could handle my love. Are you for real? Are you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V. Doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, if you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta stop. Make it last forever. Les Spice Girls Wannabe de 1996 sur l'album Spice. Et dans les années 80, vous vous souvenez peut-être de Bob Geldof qui était à l'époque une énorme star du rock, à la fois pour ses tubes avec son groupe les Boughton Roots ou pour son œuvre humanitaire. En effet, le Bandhead, le Livehead, ces méga concerts organisés pour venir en aide aux victimes de la famine en Afrique, c'est à lui qu'on les doit. Et à la même époque, Geldof était aussi marié à une vedette de la TV britannique nommée Paula Yates. Ensemble, ils ont eu 3 filles qu'ils ont appelées, incroyables mais vraies, Fifi, Trixie Belle, Peaches et Pixie. Et oui, oui, vous avez bien entendu. Retrouvons Bob Geldof, I Don't Like Monday. Eh bien, moi si, j'aime bien les lundis. Les lundis matin sur RQC avec Living in the Past. The silicon chip inside her head gets switched to overload. And nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. Ooh. The whole day down. Telex machine is kept so clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own. defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. Why reason do you need to be sure? Tell me why. C'était donc The Boughton Rats et Bob Geldof, I Don't Like Mondays. À l'instant, nous venons donc de dévoiler quelques prénoms complètement ridicules donnés par des rockstars à leurs pauvres enfants. Et j'aurais pu aussi vous parler de Jer Majesty, le fils de Jermaine Jackson, le propre frère de Michael, de Zuma Nesta Rock, la fille de Gwen Stefani, de Fuchsia, l'une des filles de Sting, et aussi des gars de U2 qui ne sont pas en reste non plus, puisque son guitariste The Edge a baptisé sa fille Blue Angel, Ange Bleu, et son chanteur Bono a appelé la sienne Memphis Eve, Eve de Memphis. Verra-t-on un jour des enfants de rockstar intenter un procès à l'encontre de leurs parents pour cause de prénoms traumatisants? Moi, je dis que c'est possible et c'est même probable. Et pour terminer la séquence, YouTube précisément, With or Without You. 10h30 sur les ondes d'RQC. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. Sure, you gave it all, but I want more. so tight. The body bruise she got me with, nothing to win and nothing left to lose. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away, with or without you, with or without you. I can live with or without you. Living in the past. Mad in rap. Voici Radiohead, No Surprise. Slowly kills you, bruises the superbe Radiohead, Radiohead dont on célèbre aussi ces dernières semaines le 20e anniversaire de la sortie de leur superbe album OK Computer, avec notamment sa réédition, mais aussi la sortie d'un coffret collecteur baptisé Oknotok, sorti le 23 juin dernier. Je vous en ai déjà parlé, je crois, lors d'une précédente émission, et on retrouve notamment sur cet album ce magnifique titre « No Surprises ». Voilà, au rayon des sorties discographiques et rééditions, ben pas grand-chose à se mettre sous la dent, c'est visiblement déjà les vacances, à part la sortie de ce coffret Radiohead, sortie de ce coffret OK Computer, baptisé Oknotok. Par contre, sur le plan des concerts, des festivals, c'est la période qui bat son plein. Et donc, je voudrais vous parler plus spécialement aujourd'hui des Locker's Fest qui ont lieu à Lokeren du 4 au 9 août, je crois, prochain. Lokeren, c'est une petite cité située près d'Anvers. Et il y a une affiche absolument impressionnante si vous aimez les classiques du rock. Jugé par vous-même. Ben Harper se produira le 8 août, enfin je l'ai dit dans le désordre. Fisher Z le lundi 7 août, Pixies le vendredi 4 août, Alice Cooper le dimanche 6 août, Marilyn Manson le dimanche 6 août également, The Offspring le mercredi 9 août et Madness le lundi 7 août. Voilà, pour célébrer un peu cette affiche, quelques extraits de groupes qui figurent précisément à cette affiche, à commencer par les Pixies, And Here Comes Your Man. Turns blue. I know the nerve is walking. Après Frank Black and the Pixies, Alice Cooper, School's Out. Toujours sur un rythme endiablé, Offspring, The Kids Aren't Alright. So bright, the old neighborhood was so alive. 11h, moins 10 sur les ondes d'RQC Madness, It Must Be Love. I miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. I wake up every night, every day. I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. Can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night. Every day I couldn't be happy any other way. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. C'était Madness, It Must Be Love, pour clôturer cette séquence consacrée au festival Locust Fest. Et si vous souhaitez retrouver tous ces artistes, Pixies, Alice Cooper, Offspring, Madness et bien d'autres, rendez-vous à l'Ocaron entre le 4 et le 9 août. Place maintenant à un autre festival qui a lieu toujours au mois d'août, une semaine plus tard. Là, à partir du vendredi 11 août, il s'agit de l'Alcatraz Art Rock and Metal Festival qui a lieu près de chez nous, ici à Courtrai. J'ai pointé notamment à l'affiche quelques noms qui devraient vous parler à vous aussi, amateurs de métal et de hard rock. Korn, Saxon, Crocus et Doropesh. On commence cette petite illustration avec un titre de Saxon, Wheels of Steel. Attention, ça va déménager. We'll be right back. créer des sensations, ta musique, ta génération. Et nous poursuivons avec toujours dans l'ambiance art rock, Crocus Screaming in the Night. Toujours à l'affiche de l'Alcatraz Art Rock and Metal Festival de Courtrai à partir du 11 août. We'll be right back. was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. À l'instant, c'était Doro Pesch, l'une des icônes du heavy metal germanique, qui nous fait l'honneur, ou nous fera l'honneur, de venir à l'affiche de l'Alcatraz Art Rock Metal Festival de Courtrai à partir du 11 août, tout comme des groupes que nous venons d'écouter, comme Saxon et Crocus notamment, mais l'affiche est bien plus large, bien entendu. Nous clôturons maintenant la séquence festival par une dernière petite annonce concernant le Festival Park de Middelkerk à partir du 11 août également, et qui aura notamment pour tête d'affiche un certain Bryan Adams qui nous chantait Summer of 69. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Donc voilà, si le cœur vous en dit, si vous passez quelques jours à la mer à la mi-août, n'hésitez pas à vous rendre à Middelkerk pour le Festival Park et peut-être, pourquoi pas, écouter Bryan Adams qui nous interprétait ici Summer of 69. Maintenant nous sommes en 2017 et je vous dis pas comme il est chaud hein, cet été 2017. Voilà, on change totalement de registre pour retrouver un groupe de rock progressif et plus spécialement un extrait d'un album, The Yes Album, qui est le troisième du groupe et qui, pour beaucoup, beaucoup considèrent que c'est le début de l'âge d'or de ce groupe mythique, ou tout au moins c'est à partir de cet album que le groupe va poser les bases de sa musique à venir pour les décennies et par la même occasion devenir un des plus grands archétypes du rock progressif. Alors, est-ce l'impulsion de Steve Howe ? Nul doute que le guitariste a apporté des idées neuves, mais tout le groupe semble parti à l'époque vers de nouvelles aventures. Quoi qu'il en soit, Yes franchit avec cet album le pas entre les années 60 et les années 70. Fini les éléments de psychédélisme typés années 60, The Yes Album contient une musique qui ne ressemble à rien de ce que l'on a pu entendre jusque-là, tous les genres confondus. Que l'on aime ou pas, ce disque est une référence à connaître absolument, la première avant plusieurs autres albums qui lui seront encore supérieurs. Voici le morceau par lequel débute cet album, The Yes Album de 1971. Et ce titre, c'est Yours is No Disgrace. On en a pour près de 10 minutes.

Living in the Past. Le meilleur du classique. Et on poursuit en musique Talking Heads Once in a Lifetime. Beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Many good days go by, let the water hold me down. Many good days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may the water. À l'instant, The Blue Magus, We Ain't Got Nothing Yet. The Blue Magus, un groupe qui est né dans le Bronx en 1964 sous le nom de Trenchcoat tout d'abord. Et ce premier album dont nous venons d'en écouter un extrait, hein, le premier album du groupe s'appelle Psychedelic Lollipop, et donc c'est dans cet album sorti en 1966 que figure pour une des premières fois le terme de psychédélique. Ce terme figure sur la pochette. Voilà, et poursuivre les Led Zeppelin, All My Love. ...11h35 sur les ondes d'RQC. Oh, Led Zeppelin, All My Love. Fin des années 70, le groupe Led Zeppelin est à l'apogée de son succès. Malheureusement, un nouveau drame touchera Robert Plant, la mort de son fils. Très affecté et déprimé, Plant ne pourra pas retourner avec le groupe avant 1979, année qui voit là leur dernier véritable album sortir. Il s'agit de Intros Outdoor, dont est extrait d'ailleurs le titre que nous venons d'écouter, All My Love. Tout comme Presence, l'album précédent, cet album ne sera malheureusement pas au niveau des précédents et beaucoup prédisent déjà la fin de ce groupe de légende. S'en suivra alors une tournée pas franchement folichonne en raison des substances absorbées par Bonzo et Page, mais également à cause de la voix de nouveau faiblarde et au moral de Robert Plant. En pleine répétition, avant une nouvelle tournée, Bonzo sera retrouvé mort le 24 septembre 1980 après une surdose d'alcool. Bonzo est décédé à l'âge de 32 ans, père de deux enfants. Et il restera à jamais dans l'histoire de la musique de par son jeu talentueux qui a influencé plus d'une génération de musiciens. Et peu après, Page, Plant et Jones annonceront la dissolution de Led Zeppelin. La fin d'un mythe. Et on retrouve maintenant un autre quatuor célèbre, The Beatles, Obladi Oblada. I know. like it fooling you again. You thought that you were gone, the old state that. Baby, looks like I've been breaking out. I'm a dog. Après Obladi, Oblada des Beatles, nous avons dans la foulée écouté un titre du quatrième Beatle, George Harrison, et la plage titulaire de l'album Dark Horse, qui est en fait le troisième album studio du célèbre Fab Four, qu'il a sorti en 1974. Et lorsqu'il a été publié, ce Dark Horse a été fustigé par la critique. C'est vrai qu'à l'époque, l'ami George a vécu une période difficile. Son épouse, sa femme, Patty, est partie tout simplement auprès de son ami Eric Clapton. Un sale coup, quoi. Et en plus, l'artiste est atteint d'une laryngite qui altère totalement sa voix, et ce problème se ressent particulièrement sur plusieurs chansons de l'album. Mais ce Dark Horse est fustigé par la critique qui voit une très forte baisse de niveau et dans la foulée d'un désaveu reçu au cours d'une tournée durant laquelle George a fait tout son possible pour détruire son image de Beatle qui est justement celle qu'attendait son public. S'il atteint la quatrième place des classements américains, il ne parvient toutefois pas à pénétrer dans les charts britanniques. Et cet album sera finalement considéré comme l'une des pièces les plus faibles du guitariste et le début d'une période plus obscure après le succès de ses deux précédents et deux premiers albums solo. On reste dans les années 70, Stephen Stills, Love the One You Wish. Time to have. There's a girl right next to you, and she's just waiting for something to do. And there's a rose in the twisted love, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with. Love the one you're with. Love the one you're with. On va presque clôturer l'émission, toujours dans une ambiance vacances, les Beach Boys, California Girls. They knock me out when I Ah, ça sent bon les vacances, les Beach Boys, California Girl, le titre qui marque malheureusement bientôt le moment où nous allons nous quitter. Il reste toutefois un titre à écouter, un titre d'une formation américaine originaire de Détroit, Michigan, qui a sévi dans les années 60-70. Ce sont les Homeboy Jukes. Et ce groupe a la particularité notamment de s'être fait connaître avec un tube que nous allons écouter maintenant, Journey to the Center of the Mind, un voyage au cœur de l'esprit, au cœur de la pensée, et qui un groupe qui a permis le lancement de la carrière d'un musicien, d'un artiste célèbre, enfin qui se rendra célèbre par la suite. Il s'agit de Ted Nugent. Voilà, c'était un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce lundi matin. La prochaine, ce sera exactement dans 15 jours, soit le 24 juillet, même heure, même adresse. Merci à vous d'avoir passé cette matinée en notre compagnie. Je vais maintenant aller faire également la fête avec les Herzotois à la Ducasse. The Homeboy Joke, Homeboy Jukes, Journey to the Center of the Mind. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Time to journey to the center of the mind. Living in the Past. Le meilleur du classique. Espère toujours une vie plus belle, une vie cruelle.